derrière des silences. L'image que l'on donne est plus importante. La vanité l'emporte et l'amour s'enfonce. Trop de fierté chez l'homme, surtout chez l'homme. On a du mal à rassurer la femme à force de croire qu'on passera pour un mec qui love, un mec qui aime. La honte m'émerde. La répute est plus fort que l'amour des gens. Léon dit brise des coups même sur plus de 20 ans. Le coup de foudre est mort. Même la femme trouve normal de tromper son homme. La confiance a fait de moi un suspense de l'amour. Tu pourras pas me changer tant que j'ai pas la bague au doigt. Je te dois le respect, comme toi tu me dois d'être la femme que je vois devant moi. En bien ou en mal, pas en bien plus en mal. C'est difficile de dire je t'aime. C'est pas pour autant qu'on le pense pas. Toi t'exprimes par des gestes. Ma vie, chaque moment à tes côtés, ressemble à de la magie, je m'émerveille à chacun des